Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Lucille, j'ai vu qu'au mois de janvier, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision historique pour le droit des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour Prudence, exactement, c'est précisément le 23 janvier 2025 que les juges de la Cour européenne ont condamné la France pour la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Et oui, cette condamnation intervient alors que la Cour d'appel a prononcé un divorce pour faute au tort exclusif de l'épouse pour ne pas avoir accompli son devoir conjugal en ayant refusé des relations intimes avec son époux. Sauf que ce devoir conjugal ne prend pas en considération le consentement aux relations sexuelles. Alors oui, cette décision est historique. Pour comprendre le contexte de cette condamnation, on va faire un bond dans le temps et dans la rédaction de notre code civil. Initialement, il était prévu que les époux, par le mariage, étaient tenus au devoir conjugal. Les magistrats français ont défini ce devoir comme une obligation pour les époux d'entretenir des relations sexuelles et évidemment des relations exclusives avec son épouse ou son époux. De ce fait, dans un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu en 2011, les juges ont condamné un époux à 10 000 euros de dommages et intérêts pour un refus prolongé de relations sexuelles. Cette décision a été à plusieurs reprises reprise et confirmée par d'autres juridictions. L'absence de rapport sexuel dans un couple marié pouvant être constitutif d'une faute dans le mariage. L'affaire qui a été portée devant la juridiction européenne est plus récente. Il s'agit d'un premier arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu en 2019 qui consacre le divorce pour faute au tort exclusif de la requérante. Et alors je vais vous lire les considérants des juges de la Cour d'appel qui sont particulièrement surprenants. Considérant que Madame a reconnu elle-même dans la main courante qu'elle a effectué le 9 mai 2014 au commissariat de Versailles avoir cessé toute relation intime avec son mari. Considérant que justifie cette situation par son état de santé, invoquant notamment un accident grave dans le métro, reconnu comme accident grave. Considérant toutefois que tels éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l'épouse à partir de 2004 à des relations intimes avec son mari, et ce pendant une durée aussi longue, alors même que dans le cadre de la main courante précitée, relate les sollicitations répétées de son époux à ce sujet et les disputes générées par cette situation. Considérant que ces faits établis par l'aveu de l'épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Et ensuite, l'affaire a été portée devant la Cour de cassation. Qu'a-t-elle pensé de l'immixtion de la Cour d'appel dans l'intimité des personnes ? On pourrait même ajouter l'immixtion dans leur dossier médical. Mais oui, la Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi, donc ça signifie que les conseillers de la Cour de cassation donnent raison au juge de la Cour d'appel qui a condamné donc la femme à un divorce pour faute. Et pourquoi le pourvoi il a été rejeté ? La Cour a, je cite, reconnu au juge du fond un pouvoir souverain pour constater non seulement les causes de divorce pour faute, mais aussi pour apprécier si les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Ainsi, ce sont les juges qui définissent si oui ou non l'absence de relations sexuelles dans le couple est constitutif d'une faute lors du prononcé du divorce. Ce à quoi la Cour européenne des droits de l'homme constate une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire une violation du droit au respect à la vie privée et familiale. En effet, les juges de la Cour rappellent que cet article recouvre un champ large de la vie privée, y compris la vie sexuelle, et il garantit notamment cette liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps. C'est aux juridictions nationales d'interpréter ces textes de loi, mais la Cour rappelle que la liberté des juges dans l'interprétation des textes est d'autant plus restreinte quand il s'agit de thématiques fondamentales pour l'identité ou l'existence de l'individu. Pour terminer cette chronique, je vous apporte la conclusion de la Cour, qui constitue aujourd'hui un tournant historique dans l'appréciation du devoir conjugal par les juges nationaux. Les juges européens soulignent que la décision rendue par la Cour d'appel est particulièrement stigmatisante pour l'épouse condamnée, dans la mesure où son refus à l'acte sexuel a été considéré comme une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Et cette décision, est-ce qu'elle a eu vraiment des conséquences sur le droit français ? Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme n'ont pas de force exécutoire. Mais pour autant, les États membres qui se sont engagés à respecter ces décisions doivent l'appliquer. Les juridictions françaises vont être tenues de se conformer à cette nouvelle décision, ce qui est une très bonne nouvelle. Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver l'intégralité de la décision sur le site de la Cour européenne qui est assez clair et bien expliqué. La semaine prochaine, Prudence vous expliquera les enjeux de la soumission chimique dans le droit pénal, qui est également issu d'une actualité riche. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.